Chapitre 4. Julien de Mulset, sans être un personnage, était assez connu dans ce que l'on est convenu d'appeler le monde parisien. Jouissant d'une 30 000 francs de rente, dont on connaissait l'origine, bien apparenté, n'ayant pas de tradition de famille trop exigeante au point de vue politique, il vivait de cette vie facile que permettent la fortune et l'indépendance. Il avait ses entrées dans tous les salons, et passait sans scrupule du faubourg Saint-Germain aux fêtes officielles. Ses préférences le portaient vers les maisons où l'on s'amusait le plus. Au besoin, il remplissait un rôle dans une de ses comédies, voire même de ses opérettes de salon, si fort à la mode depuis quelques années, et s'en acquittait convenablement. En un mot, Julien avait glissé sur la pente de la corruption élégante qui a été le plus énergique dissolvant de l'Empire. Mais s'il avait été le chevalier servant de bien des grandes coquettes, les plus sévères redresseurs de tort n'auraient pu, sans injustice ni calomnie, le classer dans une des innombrables catégories de chevaliers d'industrie. On ne lui connaissait ni une liaison mystérieuse et louche, ni des tripotages d'affaires. C'était un viveur et non un jouisseur. À 35 ans, il possédait encore tous ses cheveux, et il n'avait pas perdu toutes ses illusions. Même, il commençait à être las de son oisiveté, et pensait sérieusement à donner un but à son existence. L'heure était propice, il le croyait du moins. Depuis quelques mois, l'Empire était, ou paraissait être, dans une voie de rénovation libérale. Les institutions semblaient s'élargir, et des hommes nouveaux arrivaient au pouvoir. La lutte serait ardente, peut-être, car le parti irréconciliable s'affirmait avec une énergie d'autant plus résolue que les conversions au régime issu du coup d'État étaient plus éclatantes. M. Émile Ollivier, l'ancien 5, était Premier ministre. La jeune génération croyait en lui, et le sachant ambitieux et tenace, espérant qu'il serait de taille à maîtriser les efforts de la camarilla réactionnaire et à déjouer les intrigues des ministres dépossédés. Prévost Paradol venait de partir pour Washington avec le titre d'ambassadeur. M. Weiss était sous-secrétaire d'État. M. Guillaume Guizot avait accepté un poste officiel. Pourquoi Julien de Mulset ne prendrait-il pas lui aussi un habit brodé? Il était riche, bien portant, beau valseur. La diplomatie devait être son fait. Sa nomination de secrétaire d'ambassade était décidée en principe. La destination qu'il recevrait était seule à indéterminer. C'est ce qui le retenait à Paris au mois de juillet, à une époque de l'année où d'habitude il se reposait des fatigues de l'hiver par les plaisirs tout aussi fatigants des villes d'eau à la mode. Plus tôt ciel que la tarentule politique ne l'eût pas piqué. Il ne se serait pas mis sur les bras une affaire d'autant plus grave que les acteurs secondaires devaient agir aveuglément. En sortant de Mabille, les adorateurs de la duchesse l'avaient accompagné chez un des restaurateurs fashionables des Champs-Élysées. Un souper fut servi, auquel on fit peu d'honneur. Il s'agissait bien de se divertir, vraiment. La duchesse était implacable. Elle voulait qu'un homme fût immolé à sa vertu outragée. Elle n'en donnait d'ailleurs d'autre motif que sa volonté. Quelle injure si cruelle l'avait-elle subie? Pourquoi cette haine féroce? En vain la pressa-t-on de s'expliquer, elle s'y refusa. Mais elle fut si énergique. Elle sut si bien laisser croire à sa reconnaissance qu'un de ces messieurs, un petit crevé du plus pur modèle, M. Edgar Bresson, s'engagea solennellement à amener M. de Mulset sur le terrain. « Cela va crânement me poser, » pensait ce jeune fou. La mission était délicate, cependant. À quel titre proposer un duel? M. de Mulset n'était pas le premier venu. Les tenants de la duchesse risquaient fort de ne pas se tirer de cette aventure à leur avantage. Il est vrai que le défi jeté par le jeune homme était un point de départ. On convint que deux de ses rivaux iraient demander raison à Julien, au nom de M. Edgar Bresson, qui se considérait comme personnellement insulté, la carte de visite l'ayant frappé en pleine figure. C'était faux, mais il fallait bien alléguer un motif. Si celui-là ne suffisait pas, les témoins avaient mandat de dire que M. Bresson était le fiancé de la duchesse et qu'il exigeait ou des explications et des excuses ou une réparation par les armes. Ils arrivèrent chez Julien dans des dispositions belliqueuses. Un valet de chambre les fit immédiatement entrer au salon, sans même qu'ils eussent décliné leur nom. Évidemment, ils étaient attendus. quelle ne fut pas leur surprise de voir à la place d'honneur du salon un portrait en pied qui ressemblait trait pour trait à la duchesse, avec la seule différence que celle-ci était plus frêle de corps et moins femme. On eût dit la duchesse moins jeune de 10 ans. Julien ne leur laissa d'ailleurs pas le temps de faire de longs commentaires. Il les rejoignit presque aussitôt. Les saluait changer, il leur dit « Je serai à vos ordres, messieurs, quand il vous plaira. Veuillez vous entendre avec mes témoins, dont voici les noms. Ils vous attendent avec mes instructions qui se résument en ceci. Or, le scandale et la publicité, j'accepte tout. Un mot seulement. Avec qui aurais-je l'honneur ?» Il n'acheva la phrase autrement que par un sourire qui ressemblait beaucoup à du persiflage. Julien avait jugé les deux témoins capables de comprendre à demi-mot. Il les connaissait de vue, au surplus, car il savait son pari sur le bout du doigt. L'un était un coulissier presque célèbre. On l'appelait le Gros Robert, sans plus. Il payait ses différences quand, par hasard, il perdait ce qui était rare. Pouvait-on demander davantage? Qu'il menât joyeuse vie, qu'à 60 ans il eût les cheveux et la barbe d'un noir de jais, qu'il s'affichât publiquement avec des filles, en quoi cela aurait-il pu scandaliser? On en voyait bien d'autres. Le second, écrivain médiocre, mais doué d'une merveilleuse aptitude et d'un flair sans pareil, avait élevé l'indiscrétion à la hauteur d'un sacerdoce dans les journaux qui, à cette époque, exploitaient l'actualité et au besoin l'inventaient. Il avait oublié lui-même son nom roturier, Anatole Gérard, et s'était incarné dans l'éclatant pseudonyme A. d'Altara, au point de se demander s'il n'était réellement pas une victime de la Révolution espagnole, comme il le laissait volontiers supposer, intelligent au surplus et fort aimable. Ce fut lui qui répondit à la question de Julien, et sur le même ton, de manière à ce qu'il fût tacitement convenu que le débat passait par-dessus la tête des témoins et même de l'adversaire, et restait avec tous ses mystères entre la jeune femme de Mabille et M. de Mulset. « Avec M. Edgar Bresson, » dit-il. « Bah, le petit Bresson de Bordeaux, » reprit Julien, et après une courte pause. « Vous comprendrez, messieurs, que j'insiste pour que cette affaire ne soit pas ébruitée. Je veux bien consentir à me battre, mais il ne peut me convenir de servir de tremplin à la vanité de ce monsieur. » Le journaliste ne doutait pas que ce discours ne fût un appel à sa discrétion. D'un clignement d'yeux, ce langage muet de la franc-maçonnerie parisienne, il rassura Julien. Le Gros Robert, lui, se méprit sur les intentions du jeune homme. Ayant ramassé la carte de visite jetée à Mabille, il se considérait parti directement intéressé. « Oh, monsieur, nous savons l'affaire très sérieuse. »« Ceci rentre dans les attributions de mes témoins, » dit Julien. Et il congédia les mandataires de M. Bresson. En se retirant, ces deux hommes ne purent se défendre de jeter un dernier regard sur le portrait qui ressemblait si fort à la duchesse. « Je ne suis pas curieux, » dit le Gros Robert, quand ils furent dans la rue, « mais je donnerais volontiers la moitié de mes primes fin courant pour savoir où veut en arriver ce diable d'homme. Si je n'avais pas promis de me taire et si je pouvais tirer parti de ce duel pour mon journal, je le saurais avant 2 heures. » « Mon cher d'Altara, vous n'avez rien promis. »« Tout doux, naïf financier. Il n'y a rien écrit, c'est vrai. Il n'est pas du tout nécessaire que le notaire contresigne les promesses tacites. La vie parisienne est faite de sous-entendus. »« Ah, vous m'en direz tant. Après tout, cela vous regarde. Si vous voulez vous laisser devancer par vos confrères. »« Ils ne diront rien, par la bonne raison qu'ils ne sauront rien. Et ils ne sauront rien par l'excellent motif que vous vous tairez aussi. » Sinon, je vous laisse patauger tout seul, et vous ferez, je vous en avertis, de mauvaises besognes. Soit, je me tairai, soupira le Gros Robert. Ce n'est pas drôle du tout, et cela manque d'intérêt. Peut-être, dit le journaliste, qui pressentait quelques graves complications. Voyons d'abord les témoins. Alors seulement, ils consultèrent les cartes que Julien leur avait remises. L'une portait Arnold Barthes, attaché à la Légation suisse. L'autre, Sextus, bon enfant, 7 rue Lafitte, et au-dessous, au crayon, de midi à 5 heures. « Nous avons le temps, » dit Robert. « Allons déjeuner. » Ils auraient bien voulu voir la duchesse, mais elle ne s'était pas départie de sa réserve habituelle et n'avait pas livré le secret de son domicile. Ils ne devaient la retrouver que le soir aux Champs-Élysées pour lui rendre compte de leur mission. Le Grand Robert et d'Altara ajournèrent après la bourse, à 3h30, leur visite aux témoins de Julien, qu'ils ne connaissaient ni l'un ni l'autre. La rencontre fut courtoise. De la scène de Mabille, des motifs de duel, pas un mot. Julien abandonnait le choix des armes. On choisit le pistolet. Le duel aurait lieu le lendemain matin à 8h au bois de Ville-d'Avray, dans une des allées parallèles à l'étang vieux. Les conditions particulières seraient réglées sur le terrain.